Pour le verbe bleiben, rester, on plonge dans le passé à l'aide du verbe être. Mais la forme qui suit n'est pas gebleibt, mais geblieben. G-E-B-L-I-E-B-E-N. Donc, par exemple, nous sommes restés se dit wir sind geblieben. Le verbe est bleiben, mais pour plonger dans le passé, ça donne geblieben. Alors, comment diriez-vous « nous ne sommes pas restés très longtemps à la maison » Ici, « à la maison » se dit « zu Hause » car on y reste. « Nous ne sommes pas restés très longtemps à la maison » Wir sind. Wir sind, oui, pas très longtemps. Nicht sehr lange zu Hause geblieben. Wir sind nicht sehr lange zu Hause geblieben. À la maison, c'est donc zu Hause, si l'on y reste, ou nach Hause, s'il y a un mouvement vers la maison. Nach Hause gehen. Nach veut dire à ou vers, mais aussi après, comme dans Nachmittag, après-midi. Dans la phrase Wir fahren nach Berlin, nous allons à Berlin, on a nach au sens de à et aller qui se traduit par fahren et non gehen, car gehen implique un déplacement à pied. Zu Fuß gehen, aller à pied, marcher. Fahren correspond à aller au sens de se déplacer sur la terre en étant motorisé. Et quand on plonge dans le passé avec fahren, ça donne gefahren. Alors voyons, comment diriez-vous « nous sommes allés à Berlin » Wir. Wir sind nach. Wir sind nach. Berlin gefahren. Gefahren, en effet. Wir sind nach Berlin gefahren. Comment demanderiez-vous « quand êtes-vous allé à Vienne » Wann. Là encore, « wann » occupe la première place. Après, il faut mettre le verbe. « Sind Sie nach Vienne ?»« Wien ». En allemand, « Vienne », c'est « Wien ».« Wien gefahren ?»« Wann sind Sie nach Wien gefahren ?» Et maintenant, combien de temps êtes-vous resté à Vienne ?« Wie lange sind Sie ?»« Wie lange ?»« Sind Sie in Wien geblieben ?» Wie lange sind Sie in Wien geblieben? Bien. Nous ne sommes pas restés longtemps. Wir bleiben nicht lange. Là, vous venez de dire nous ne restons pas longtemps. Mais nous ne sommes pas restés longtemps, c'est wir sind nicht longtemps lange bleiben. C'est geblieben et non bleiben. Wir sind nicht lange geblieben. Nous ne sommes pas restés longtemps. N'ayez pas peur de faire des fautes en vous exprimant en allemand, car on apprend toujours de ses erreurs. N'essayez pas d'atteindre la perfection à l'oral. L'important, c'est de pouvoir communiquer. En matière de communication, je vous encouragerai, surtout en ce qui concerne le vocabulaire, à renforcer votre sensibilité, votre Gefühl pour la langue allemande, die Sprache, für die deutsche Sprache, pour reconnaître les quelques mots qui viennent du français et pour les utiliser. De la même manière qu'au tennis, il s'agit d'abord de faire passer la balle au-dessus du filet, pour vous, il s'agit avant tout de faire passer le message, d'être compris. Si vous passez au-dessus du filet, on vous a compris. Et si vous avez fait une faute, si vous avez dit « Sie sind gebleibt » par exemple, ou « Wir sind nicht lange bleiben », du moment qu'on vous comprend, on vous dira tout de suite « Ah, Sie sind geblieben » ou « Wir sind nicht lange geblieben ». On vous montre comme ça qu'on vous a compris, sans vous corriger explicitement. Et alors, il vous suffit de saisir cette balle au vol. Ah oui, bien sûr. Et vous pouvez continuer à jouer. Vous pouvez poursuivre votre conversation. Bien sûr, il se peut que parfois, on vous regarde d'un air déconcerté. Dans ce cas, c'est que la balle a été dans le filet. Là, on ne vous a pas compris. Mais vous avez un autre service. À vous de tenter autre chose. Mais n'essayez pas d'être parfait. Non, l'important, c'est que même si vous faites des fautes, on vous renvoie la balle. On vous répond, et alors vous dites « Ah oui, bien sûr !» et vous corrigez vous-même votre erreur. Sans ça, si vous essayez d'être parfait, alors vous risquez de faire un blocage.